banlieue. Aïe, m'amène pix. Trop bas, t'as trop bas. Nous pix. Y'a déjà d'une, j'ai chacune dans chacun. J'accours vers le succès. Dans mon trou, y'a pas tout, pas de chacun. Sous le terrain, tous mes couplets citrons. Tous ces petits PD qui font le trait. Tous ceux qui coupent les citrons. J'mets un tas de rage. Sur étalage, vivement que j'm'arrache. Tous ces états-là, étalage. J'ai pas de chiste quand y'a pas de chiste. Fuck Pachi, qui sert au mic. C'est ainsi qu'on bâtit. J'fais scandale comme un fréquentat. Un fréquentat. J'suis en guerre comme un trafiquant. J'arrive violent dans le sondage. Même si j'pose un sondage. J'ai les plutôt pouvoir. Alors, j'manœuvre mon œuf. Que tu veux, y'a jamais rien de neuf. Mon rêve, ma tête à croire que c'est un asile à dire. Fou les mecs, raconte pas ta vie, j'm'appelle pas Dieu. À la poire, j'connais à la peau. Tant pis s'il y a pas de peau. Tout tombe dans la bouche avant de mettre un pied dans la tombe. Sinon, c'est des gros, c'est qu'on a trop de coups dans la gueule. Dans le cœur, c'est des matos. M'arrête si j'ai à la dégue. À la poire, j'connais à la peau. Tant pis s'il y a pas de peau. Tout tombe dans la bouche avant de mettre un pied dans la tombe. Sinon, c'est des gros, c'est qu'on a trop de coups dans la gueule. Dans le cœur, c'est des matos. M'arrête si j'ai à la dégue. Un mec tonique, anti-pétonique, la tectonique. Je marche avec mon flash de sky, avec mes straps. Esquive ceux qui font les passes dans des craques. Je milite, faut que je parte vite comme Admilite. Admilite en 2008, t'inquiète, les carottes sont 8-8. Violent comme un cardiaque, j'lâche un crachat. Baisse pas ma clique de calcha. Je veux la vie de Pacha avec les chiens, je suis un chien. Mais à croire que je suis un chat noir, de manger pas de chat. Faire des thunes.